Yann Cayenne Kourou. Nous avons écouté l'océan chanter. Africa petit voyage. C'est un soleil sans visage. Africa petit voyage. C'est un joli métissage. Native so far away. Economy called captivity. Natty Dre, so far away from home. Natty, natty, not gonna stay. Cause a piece of wood in a river will never be a crocodile. A piece of stick in a river shall never be a crocodile. How long gonna take us? Natty bound to lead you. How long, long, long, long it gonna take for Natty to lead you? How long, long, long, long it gonna take us for Natty to go home? How long, long, long, long it gonna take us for Natty to lead you? Martinique, Guadeloupe, Guyane, Cayenne, Kourou. Nous avons regardé le soleil se coucher. À la Martinique, en Guadeloupe, Guyane, Cayenne, Kourou. Nous avons écouté l'océan pleurer. Africain dit voyage. C'est un soleil sans visage. Africain dit voyage. Joli métissage. Ça me fait doux, doux, doux. Pétine Mougaison. Natty, natty, bon Philippe, yo.